2 Samuel 15. N'ayez pas peur de marquer votre Bible. Certains pensent que c'est un livre sacré. C'est pas le livre, c'est pas le papier et l'encre qui est sacré, c'est le texte, c'est la vérité qui est inscrite dedans. Et c'est vrai que dans certaines autres religions, on a un espèce de fétichisme vis-à-vis du livre. Il s'agit pas d'être des bibliolâtres. On n'adore pas la Bible, on adore la vérité qui est annoncée dans la Bible. Et on remercie le Seigneur de l'avoir préservée, de nous l'avoir transmise jusqu'à ce jour. Et nous nous réjouissons de pouvoir l'étudier ensemble, de pouvoir la lire et en recevoir tout le fruit dans nos vies. On va donc lire à partir du verset 13. On avait, si vous souvenez, on avait commencé à voir que c'est une période triste, c'est un passage en fait, tout ce passage est un passage un peu sombre de l'histoire dans la Bible, dans l'histoire du peuple de Dieu, et c'est un passage qu'on aimerait des fois sauter. C'est un peu lorsque l'on étudie dans les évangiles l'histoire de la montée de Jésus à Jérusalem et sa crucifixion. Et à chaque fois, je me rappelle lorsque j'étais enfant dans l'église catholique et qu'on allait célébrer, se rappeler sa souffrance, sa mise à mort injuste, j'avais quelque part le secret espoir que cette année, ça allait être différent, que ça allait changer enfin et qu'il allait être justifié, qu'il allait, il allait pas aller jusqu'au bout. Et pourtant, c'est nécessaire qu'il se soit offert ainsi en sacrifice. Cette injustice des hommes était dans le plan de Dieu. Et là, on voit aussi des événements qui arrivent dans la vie de ce grand homme de Dieu, l'homme qui est appelé dans la Bible l'homme selon le cœur de Dieu. Quel beau titre. Puissions-nous être appelés des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Mais le titre colle à la peau de David, et c'est un grand honneur dans sa vie, mais c'est aussi parce que on voit comment il réagit dans l'adversité. On voit d'abord que ce n'était pas un homme parfait, et ça nous donne l'espoir que, parce que nous savons, je crois que personne ici n'est assez dupe ou inconscient pour croire qu'il est un homme ou une femme parfaite, parfait ou parfaite. On l'a vu tomber dans un grand péché. Vous vous souvenez de cet adultère avec Bathsheba, la femme mariée d'un des soldats valeureux de David. Cet adultère qui, lorsqu'il prend connaissance que cette femme est enceinte, il essaye de cacher son crime en faisant venir cet homme, son mari, le mari de Bathsheba, Uri le Hittite, pour essayer de faire qu'il ait des rapports avec elle. Mais lui, qui est un homme encore plus digne de respect dans cette situation, ne dit qu'il ne va pas se prélasser avec son épouse alors que ses compagnons d'armes risquent leur vie au plus fort du combat. Et donc David va envoyer cet homme à sa mort, il va finalement le tuer, en lui faisant porter une lettre pour son chef d'armée, Joab, qui va le mettre au plus fort du combat, juste sous les murailles de la ville qu'ils essayent de prendre, Rabba, qui est la ville maintenant d'Aman. Et non seulement il commet l'adultère, il tue, Il va mentir, il va déshonorer Dieu, il va violer 4 des principaux commandements, des 10 commandements. Et on pourrait dire que cet homme, selon le cœur de Dieu, est pour toujours éloigné de Dieu. Mais on va voir qu'en fait, après avoir dissimulé son crime pendant plus d'un an, le prophète Nathan, inspiré par l'Éternel, le reprend et lui montre que c'est lui qui a commis cette chose horrible. Et contrairement à beaucoup d'entre nous, lorsqu'il est pris sur le fait, lorsqu'il est reconnu, lorsqu'il voit qu'il ne peut plus cacher son crime, David n'essaye pas d'argumenter, de dire « oui, mais c'est elle qui m'a tenté, elle n'aurait pas dû prendre son bain comme ça la nuit, toute nue devant mon balcon ». Non, il dit « j'ai péché ». il reconnaît son péché. Et ça, c'est, je crois que tout ce passage qui n'est pas la gloire des hommes, selon le cœur de Dieu, Dieu l'a inspiré pour que nous voyions comment réagir lorsque nous aussi, nous pouvons tomber dans de graves péchés. Et tout péché est grave devant Dieu. Mais cessons de nous justifier. Ma femme et mes enfants me disent que j'admets jamais que j'ai tort. Je cherche toujours à me justifier. Peut-être que certains d'entre vous l'ont remarqué. Et c'est quelque chose que je ne cherche pas à continuer. Mais j'ai tendance à dire oui, mais c'est parce que tu as fait ça. Ou c'est parce qu'on cherche toujours depuis Adam à pointer le blâme, à mettre le blâme sur quelqu'un d'autre. David, il a cette différence. Il dit c'est de ma faute. Que Dieu fasse ce qu'il voudra de moi. Et c'est là qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. C'est là qu'il est celui qui est prêt à se repentir. C'est de la vraie repentance, ça. Il est triste, non pas parce qu'il s'est fait prendre, il est triste parce qu'il réalise qu'il a fait du tort au nom de Dieu, qu'il a fait du mal. Et encore une fois, on a dit que, quelque part, c'est choquant lorsqu'il dit dans un de ses psaumes qu'il a péché contre Dieu seul. Mais on a dit qu'en fait, une mauvaise action, c'est d'abord un vice contre soi-même, c'est un crime contre ceux qui nous entourent, mais c'est un vrai péché contre Dieu. Parce que dans un cas, on viole notre propre conscience, notre propre corps. Dans le deuxième cas, le crime, c'est un viol contre les lois. On brise les lois sociales, les lois qui régissent nos rapports avec les autres. Mais le péché, c'est lorsqu'on brise les 10 commandements, c'est lorsqu'on brise la loi qui nous relie à Dieu. Et maintenant, nous voyons une deuxième vérité en se dérouler devant nos yeux, c'est que les conséquences du péché, même si le péché est pardonné, les conséquences du péché, nous avons à les vivre, nous avons à les endurer. Ça, c'est pas. On préférait qu'une fois pardonné, tout soit effacé. Mais le péché a des conséquences qui ne peuvent pas être effacées par le pardon. Il y a des... Si on tue quelqu'un, même si la famille et Dieu nous pardonnent, la personne reste morte. Et là, le prophète Nathan, suite à ce péché, lorsque David a reconnu qu'il était coupable, il a ces terribles paroles dans 2 Samuel 12-10, où on va lire à partir du verset 9. « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Maintenant, conséquence du péché, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, je vais susciter un malheur contre toi du sein de ta famille et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à l'un de tes proches qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret et moi je ferai cela en face de tout Israël à la face du soleil. » Et c'est là que David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra, et l'épée ne s'écartera jamais de ta maison. » On a fait remarquer que dès qu'il y a confession, il y a pardon. À peine David a-t-il dit, j'ai péché, Nathan l'interrompt en lui disant, l'Éternel pardonne ton péché. Ça, c'est aussi un enseignement vital pour nous, c'est de savoir que il faut confesser notre péché, il faut reconnaître devant Dieu et devant les hommes, si nécessaire, que ce que nous avons fait est mal, est un péché qui brise notre relation avec lui. Et dès qu'il sent que nous avons ce cœur, que nous avons cette repentance, alors il pardonne. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais tant qu'il n'y a pas cette repentance, il va se servir de... Il veut que nous arrivions à la repentance, mais il ne peut pas la forcer sur nous. C'est notre décision. On a vu donc que suite à cette terrible prophétie, l'enfant est mort. David a pu avoir un autre enfant, Salomon, le petit Salomon qui allait devenir le successeur, le grand successeur de David. Il est né de cette femme avec qui David avait commis l'adultère. Ça, c'est aussi un signe de l'étendue de son pardon. Mais dans sa famille, l'épée ne s'est pas écartée, parce que vous vous souvenez qu'il avait plusieurs femmes, des enfants de toutes ces femmes, et il y avait un frère et sœur, Tamar et Absalom, qui avaient une maman différente de Amnon. Amnon tombe amoureux de Tamar et il la viole. Suite à ça, David, qui était un mauvais parent, ne le discipline pas, et c'est plusieurs mois après que Absalom, le frère de Tamar, qui avait été violé par leur demi-frère Amnon, va mettre à mort son frère Amnon, son demi-frère. Et puis, suite à ça, c'était un péché pour Absalom de faire justice, Absalom se cache, prend la fuite. Il retourne à Geshur, la patrie de sa mère, qui était la fille du roi de cette ville, de ce petit état. Et on voit que David est tourmenté, il aime ses enfants, mais il n'a aucune autorité, il ne sait pas comment gérer sa famille. Nous avons rappelé que c'est une tâche infiniment difficile que d'élever des enfants, et que sans l'aide du Seigneur, sans l'aide de son Esprit Saint, c'est une tâche impossible. Amen. Absalom est loin de Jérusalem, mais Joab, qui est le fils d'une sœur de David, donc un neveu de David, et qui est aussi le chef de son armée, voit que David va mal parce qu'il est loin de son fils Absalom, son fils Absalom est loin de lui, et il imagine un stratagème en faisant parler une femme qui parle de deux fils qu'elle aurait eus et dont l'un aurait tué l'autre, et selon la loi juive, le coupable devait être tué. Et elle imagine, c'est plutôt Joab qui met ces paroles dans sa bouche pour, encore une fois, susciter la conscience, pour réveiller la conscience de David et lui montrer qu'en fait, en ne pardonnant pas Absalom, qui a tué son frère, il est comme les autres, les soi-disant personnes de l'entourage de cette femme qui veulent venger le premier fils en tuant le second. Et il comprend qu'en fait, il doit pardonner son fils. Son fils revient à Jérusalem, mais David, s'il pardonne, il n'oublie pas, et en fait, il ne pardonne pas. Là aussi, nous sommes des fois, nous croyons pardonner aux autres ce qu'ils nous ont fait, mais si nous n'oublions pas, ce n'est pas vraiment du pardon. Et il va donc faire revenir à Jérusalem ce jeune prince qui est maintenant normalement le successeur de David. Quelqu'un qui avait, cet jeune homme qui probablement avait dépassé la trentaine, David lui avait déjà la 50 et entre 50 et 60 ans, on imagine. Ce jeune homme a de l'ambition, c'est quelqu'un de beau, qui a beaucoup de charisme et qui cherche à être vraiment réconcilié avec son père, ou du moins à être pardonné au point qu'il peut se déplacer à Jérusalem et se pavaner, montrer qu'il est le fils de roi. C'est quelqu'un qui recherche les honneurs. Encore une fois, quelqu'un de très beau, qui avait des longs cheveux blonds, je crois qu'on le précise quelque part. Et une fois qu'il est pardonné entre guillemets par le roi, une fois qu'il a le droit d'être à Jérusalem, il va tout faire pour discréditer le roi David et pour se faire apprécier du peuple, car il prépare une rébellion. On a lu le début du chapitre 15 qui rappelle cette rébellion, ou le début de cette rébellion. Il demande à son père la permission d'aller à Hébron, et c'est là qu'il va se faire acclamer par les hommes qui le soutiennent. Et à la fin du passage que nous avions lu au verset 12, on voit qu'il est rejoint par un homme important, un des principaux conseillers de David, qui était Ahithophel, le Guilonite de la ville de Guilo, conseiller de David. La conjuration prend de l'ampleur et David, on va le voir maintenant, se retrouve dans une situation qu'il connaît bien, parce que pendant des années il a été poursuivi par le roi Saül pour qui il avait reçu l'onction pour le remplacer, mais pendant des années et des années David a fui devant Saül et Abner, et là, après avoir connu le fait de la gloire et être tombé dans le péché, le voilà qui se retrouve aussi dans cette situation de fuyard, de fugitif. Et on voit dans sa façon de réagir, là aussi, qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. Et là aussi, nous pouvons retirer des enseignements. On va voir que malgré cette rébellion, il y a des personnes qui lui restent fidèles. On voit même que ce n'est pas des fois dans les membres de sa famille qu'on a les membres les plus fidèles, mais ça peut être de nouveaux amis qui se montrent plus fidèles qu'aucun autre. Et on va voir que dans son acceptation de ce sort qu'il reconnaît être pas le fait du hasard ou des événements ou de mauvaises personnes, mais qu'il voit comme une discipline de Dieu, cette acceptation, cette soumission à la volonté de Dieu, c'est là qu'il se manifeste comme un homme selon le cœur de Dieu. Et là, parce qu'il s'humilie devant Dieu, qu'il est prêt à recevoir quelle que soit la volonté de Dieu, Dieu va le rétablir. Et on va voir comment rapidement les choses peuvent changer. Trop souvent dans nos vies, on est aveuglé par les circonstances et on ne pense pas à l'état de notre cœur. Et je crois que bien souvent, la solution de nos problèmes, c'est pas en essayant de manigancer, de manipuler, de forcer les choses, c'est dans le silence devant Dieu, c'est devant Dieu qu'on lui demande pardon, c'est devant Dieu, et d'un seul coup, comme un coup de baguette magique, il peut changer la situation, il peut changer les choses. Et c'est ce qu'on va voir dans la vie de David, dans les versets, dans les chapitres. C'est pas, malheureusement, cette histoire ne finit pas aujourd'hui dans notre étude. On va voir que ça continue, mais déjà on va pouvoir recevoir des enseignements d'après la façon dont David va réagir. C'est une longue introduction, j'en suis conscient. Pardon pour ceux qui sont là régulièrement et qui se disent « mais on connaît ça, là, ça fait déjà une demi-heure qu'on parle ». Non, pas tout à fait, mais si on n'a pas ces éléments, on est un peu perdu avec tous ces personnages et tous ces événements. Et voilà, donc j'espère que ça nous met tous ensemble au fait de l'histoire. Et on va essayer aujourd'hui de finir le chapitre 15 et d'étudier le chapitre 16. C'est pas aussi dense qu'une lettre de Paul. Il y a beaucoup d'événements décrits, mais en même temps, il y a beaucoup de leçons à retirer. Donc on va essayer, avec l'aide de l'Esprit, de retirer ces leçons. Verset 13, chapitre 15, page 328 dans la Bible à la Colombe. Arriva enfin celui qui fit rapport à David et qui dit « Les hommes d'Israël se sont ralliés de cœur à Absalom. » Alors David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem « Levez-vous, prenons la fuite, car il n'y aura pas moyen pour nous d'échapper à Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il se hâtera lui-même de nous atteindre et d'attirer un malheur sur nous en frappant la ville du tranchant de l'épée. » Les serviteurs du roi lui dirent « Pour tout ce qu'aura dessiné mon seigneur le roi, nous sommes tes serviteurs. » Le roi sortit et toute sa maisonnée le suivait. Il laissa 10 concubines pour garder le palais. Le roi sortit et tout le peuple le suivait. Ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens et tous les Pélétiens passèrent à ses côtés, et tous les Gathiens, au nombre de 600 hommes venus de Gath à sa suite, passèrent devant le roi. Le roi dit à Ittai de Gath, « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger, et même tu as été déporté de ton pays. Tu es arrivé d'hier, et aujourd'hui je te ferai errer, en allant avec nous, quand je ne sais moi-même où je vais. » Retourne et ramène tes frères avec toi. Que l'Éternel te témoigne bienveillance et fidélité. Ittai répondit au roi en ces mots. L'Éternel est vivant, et mon Seigneur le roi est vivant. À l'endroit où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. David dit alors à Ittai, va, passe. Et Ittai de Gath passa avec tous ses hommes et tous les enfants qui étaient avec lui. Tout le pays pleurait à grand bruit au passage de tout le peuple. Le roi franchit la vallée du Cédron et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin du désert. Tsadok était aussi là et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'Alliance de Dieu. Ils posèrent l'arche de Dieu et Abiathar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Tsadok, « Rapporte l'arche de Dieu dans la ville. Si j'obtiens la faveur de l'Éternel, il me ramènera. » Et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit, je ne t'agrée plus, me voici, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Le roi dit encore au sacrificateur Tsadok, vois-tu, retourne en paix dans la ville, ainsi que ton fils Ahimatz et Jonathan, fils d'Abiathar, vos deux fils avec vous. Voyez, je m'attarderai dans les plaines du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive un mot de rapport de votre part. Ainsi, Tsadok et Abiathar rapportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem et y restèrent. David prenait la montée des oliviers, il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pied, et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. On vint rapporter à David, « Ahithophel est avec Absalom parmi les conjurés. » Et David dit, « Ô Éternel, fais que les conseils d'Ahithophel soient dénués de sens. » Lorsque David fut arrivé au sommet, où il se prosterna devant Dieu, voici qu'arriva à sa rencontre Hushaï, l'Archien, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, « Si tu passes avec moi, tu me seras à charge. Au contraire, si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, « Au roi, je serai ton serviteur, je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur, tu feras échec en ma faveur au conseil d'Ahithophel. » Les sacrificateurs Tsadok et Abiathar sont là avec toi. Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le rapporteras aux sacrificateurs Tsadok et Abiathar. Et comme ils ont là auprès d'eux leurs deux fils Ahimatz, et pour Tsadok et Jonathan pour Abiathar, c'est par leur intermédiaire que vous m'enverrez dire tout ce que vous aurez appris. Hushaï, ami de David, retourna donc à la ville et Absalom entra dans Jérusalem. Un grand tournant dans l'histoire de Jérusalem, la fuite du roi David et l'entrée qui se termine par l'entrée du jeune prince, traître, ambitieux, charismatique, Absalom qui entre dans Jérusalem. On annonce donc à David, au début du passage que nous venons de lire, que Israël est en train de pencher pour Absalom. Vous vous souvenez qu'Absalom utilisait, aujourd'hui on dirait qu'il savait manipuler les médias, Il se déplaçait avec dans un grand style. Il avait des chevaux et des hommes qui couraient devant lui. En fait, c'est un peu... Il avait un grand char. Aujourd'hui, il aurait une Rolls-Royce et des motards qui rentreraient dans la ville. C'est un peu stupide parce que à quoi bon avoir un cheval et des chevaux si on va pas plus vite que des hommes, 50 hommes en armes qui courent devant soi. C'est un peu, au lieu d'avoir des motards, si on avait des coureurs à pied dans une grosse Mercedes. Mais peu importe, ce qui compte, c'est pas la substance, c'est l'image. Et puis, il s'est mis à l'entrée de la ville. Et là, à la porte de la ville, qui était l'endroit où on faisait les affaires de justice, c'était un peu comme s'il était au palais de justice ou au palais de l'Élysée. Et il parle avec chaque personne qui vient pour des affaires devant le roi. Et quelle que soit la situation, il donne raison à tout le monde en leur disant que c'est une honte que leur cas n'ait pas été encore justifié, qu'il n'ait pas encore remporté leur cas. Et donc, il a travaillé la foule de cette façon. Et la foule, tout comme aujourd'hui, est plus sensible aux apparences qu'à la réalité des choses. C'est vrai que la réalité des choses, elle n'est pas évidente à saisir, parce que on ne rencontre pas les grands de ce monde, on entend ce qui est dit, on voit la télé, on voit les journaux, les magazines. Mais en tant que chrétien, on devrait vraiment chercher la volonté de Dieu pour savoir quels sont les hommes et femmes qui sont dignes de nous représenter et ne pas dire oui, celui-là a une bonne tête, celui-là est beau, celui-là a l'air gentil. On aurait espéré qu'après toutes ces centaines d'années, ces milliers d'années, on soit plus éclairé. Mais force est de constater que c'est encore les spécialistes des médias qui font et défont les hommes politiques, dans la plupart des cas. Les hommes d'Israël se sont ralliés à Absalom et David n'est pas surpris. David connaît son fils et il sait qu'il vaut mieux prendre la fuite. Il n'essaye pas de rester à Jérusalem. Il dit au verset 14, « Dépêchons-nous parce que sinon on va tous y passer, à la base. » Triste épisode de voir un fils qui se rebelle contre son père. Et son père, ce n'était pas n'importe qui, c'était le grand roi David qui avait établi le grand royaume d'Israël, un des plus grands monarques de tous les temps. Mais son fils veut prendre sa place et il force son père à fuir devant la menace. On voit dans les temps difficiles qui sont vraiment nos amis. Quand tout va bien, quand on est beau, riche, jeune et en bonne santé, c'est pas les amis qui manquent. Mais c'est dans la difficulté qu'on peut apprécier vraiment ceux qui vous sont sincèrement fidèles. Et là, Dieu merci pour David, il va trouver des hommes fidèles, des hommes qui sont prêts à mourir avec lui. Les serviteurs du roi, verset 15, sont prêts à le suivre. Nous sommes tes serviteurs. Autrement dit, il n'y a pas de situation. On ne va pas revoir notre position. On est avec toi, Seigneur, roi, plutôt. Le roi part. Il laisse 10 concubines pour garder le palais. Ça m'a toujours un peu surpris, ce passage. Il y a des hommes en armes, des chevaux, des soldats qui courent, le roi qui est prêt à prendre le pouvoir. Et le roi laisse quelques-unes des femmes de son harem, parce que c'est comme ça qu'on peut le dire aussi. Les concubines, c'était des maîtresses officielles. Elles n'étaient pas épouses officiellement, elles n'étaient pas mariées au roi. C'était des maîtresses qui étaient connues du public et qui avaient leurs appartements dans le palais. J'ai trouvé toujours un peu curieux que le roi David, qui était un sacré guerrier, se dise « je vais laisser 10 maîtresses pour garder le palais » avec leur bâton de rouge à lèvres et leur miroir ou leur belle tenue. Je crois que là, il voulait simplement qu'elle fasse tourner le frigidaire et qu'il y ait quelqu'un pour ouvrir la porte et qu'on ne casse pas les portes du palais. On va voir qu'elles vont être très maltraitées par la suite, conformément aux prophéties du prophète Nathan. Le roi part et là, il est suivi par 600 hommes, par ses serviteurs, et vous savez qu'il avait une troupe, qu'il avait trouvé un ramassis de soldats, de personnes qui étaient déprimées, qui étaient désespérées, qui étaient endettées. Et ces hommes, il avait réussi à en faire des troupes d'élite. Ce n'étaient pas des hommes qui étaient prêts à le tromper, qui cherchaient les faveurs du roi, c'était des hommes qui avaient vraiment vu ce que Dieu avait fait avec David et qui lui était fidèle jusqu'à la mort. Il y a aussi des hommes de Gath. Gath, vous vous rappelez, c'était la ville de qui ? Goliath, le fameux adversaire d'Israël que David, tout jeune berger, avait réussi à mettre à mort parce qu'il était rempli d'une indignation pour le nom de l'Éternel. Et apparemment, il avait pris des gens, des mercenaires qui venaient de cette ville. Et il y a un dénommé Ittai de Gath, quelqu'un dont on ne parle pas souvent. Peut-être qu'avant aujourd'hui, vous ne connaissiez même pas ce nom. Et pourtant, Ittai de Gath, c'est un bel exemple de fidélité. On y reviendra peut-être un peu après, mais là, le roi lui dit « Attends, pourquoi tu me suis ? Tu sais que je ne vais plus avoir d'argent pour payer tes hommes, pour te payer. Tu es avec moi depuis peu. Tu es arrivé d'hier. Et tu veux me suivre alors que je ne sais même pas où je vais ? Attends, c'est pas raisonnable. Toi, tu es un mercenaire. Tu sers le plus offrant. Pourquoi ne vas-tu pas te joindre à Absalom, rejoindre Absalom ? C'est incroyable de la part de David de suggérer même qu'il aille fortifier l'opposition de son fils qui veut le chasser du trône et peut-être le mettre à mort. Mais on voit là que, en fait, Ittai est devenu croyant. Sans doute beaucoup de ses hommes aussi. Il lui dit, verset 21, Ittai répondit au roi en ces mots, « L'Éternel est vivant, je crois en Dieu, Dieu est vrai, il y a vraiment un Dieu qui est là, et mon Seigneur le roi est vivant. » Et là, il lui fait un serment d'allégeance, « À la vie, à la mort, je suis avec toi. Où tu vas, où que tu sois, soit pour mourir, soit pour vivre. Je ne suis pas seulement un ami des bons moments quand tout va bien, je t'appartiens et je te serai fidèle jusqu'à la mort. » Est-ce que nous avons des personnes comme ça, des amis ? Ça, c'est précieux. Il y a tous les niveaux. Hein. On dit avoir des amis, mais il y a les connaissances, il y a les amis superficiels, il y a les camarades un peu plus profonds qui connaissent mieux notre vie, et puis il y a ces amis intimes. Puis bien sûr, il y a l'amitié intime avec Dieu. Où en êtes-vous dans ces amitiés ? Est-ce que vous avez simplement des amitiés superficielles ? On est dans la même année à la fac, donc on se connaît un peu, mais si jamais il arrivait quelque chose de difficile à cette personne, est-ce que je serais prêt à sacrifier mon confort, mes intérêts ? Nous avons tous besoin d'amis intimes. Nous avons tous besoin, bien sûr, de l'intimité avec Jésus-Christ, celui qui est notre suprême ami. Et David voit en fait ce mercenaire devenir volontaire. David, on sait que c'est un type, c'est-à-dire une préfiguration du fils de David, le terme qui est appliqué à Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. David accepte le soutien de Ittai et de ses troupes, et on les voit qui franchissent la vallée du Cédron. Là encore, quand on a été à Jérusalem, on comprend mieux les déplacements, on voit mieux la situation. Je vous ai dit qu'on a mis à jour il n'y a pas très longtemps, et pour la première fois cette année, apparemment, on peut voir la cité de David, les pierres de son palais, d'où il pouvait voir l'autre côté de la vallée du Cédron. C'est là qu'il avait vu Bathsheba. Et donc il franchit cette vallée qui était la vallée où coulait le sang à l'époque des sacrifices. Lorsque Jésus est monté à Jérusalem la dernière fois, cette vallée du Cédron devait être rouge du sang des agneaux et des taureaux qui étaient sacrifiés pour la Pâque juive. C'était l'endroit aussi où on mettait les ordures. C'était vraiment humiliant que de passer. Et là, il est rejoint par deux hommes importants. Tsadok, qui était le grand prêtre, son nom veut dire sainteté. Et il est rejoint par les Lévites, donc les prêtres du temple de Jérusalem. Ils sont prêts à suivre avec l'Alliance, l'Arche de l'Alliance de Dieu, qui symbolisait la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. Ils sont prêts à suivre David, avec Abiathar, qui était aussi un prêtre. Et le roi dit au grand prêtre Tsadok, « Non, vous restez ici. » Et puis là, il a ce verset 25 où il montre sa soumission à la volonté de Dieu. Si j'obtiens la faveur de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. Autrement dit, je veux que l'arche de l'Alliance reste à Jérusalem. Si Dieu me pardonne et le désire, si c'est sa volonté que je revienne, je verrai l'arche, mais l'arche doit rester à Jérusalem. Verset 26, mais s'il dit, je ne t'agrée plus, me voici qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Ça, c'est le secret du cœur d'un homme selon le cœur de Dieu. C'est de dire, Seigneur, tu fais ce que bon te semble de ma vie. Je t'appartiens, que ce soit pour du bonheur, que ce soit pour du malheur. Béni soit le nom de l'Éternel. C'est ce que nous chantons notamment dans ce chant. Que Dieu nous bénisse ou que Dieu nous fasse subir des périodes difficiles, nous le recevons avec le même esprit en disant « Seigneur, que ta volonté soit faite. » Et c'est très fort de voir des personnes qui sont dans la détresse, dans la difficulté, et qui pourtant ne critiquent pas Dieu, qui reçoivent ce que Dieu leur laisse arriver à leur vie. Et ça, c'est un témoignage puissant. Je pense parmi nous, l'an dernier, on l'a rappelé à l'Assemblée Générale, les exemples de Marie-Christine et de Craig, sans vouloir les mettre mal à l'aise, la façon dont ils se sont confiés à Dieu dans l'adversité, c'est quelque chose qui parle plus que 10 000 sermons le dimanche matin d'eux. Parce qu'on voit la réalité du secours de Dieu dans ces situations. On voit la réalité de son amour, mais il ne peut donner cet amour que si la personne est prête à recevoir la volonté de Dieu. J'allais y revenir plus tard, mais on est trop proche d'Ittai pour ne pas faire le parallèle. Le mercenaire devient volontaire. Est-ce que vous êtes un Ittai ou est-ce que vous êtes encore un mercenaire? Est-ce que vous venez à Dieu simplement parce qu'il, pour ce qu'il peut vous donner ? En vous disant, j'ai lu quelque part où on m'a dit que si on suit Dieu, il bénit. Si je suis chrétien, je ne vais plus être malade et je vais être riche. Ou bien est-ce que vous êtes prêt à dire, quoi qu'il m'advienne, Seigneur, je t'appartiens. Dieu a besoin d'itailles, ou il recherche des itailles. Il ne recherche pas des mercenaires qui sont prêts à le suivre quand tout va bien, quand il est de bon ton d'être chrétien, mais lorsqu'il est, comme lorsque le fils de David est méprisé, lorsqu'il est dans, on parle mal de lui, est-ce que vous dites, non, je suis pour lui quand même? Est-ce que, c'est un peu le baptême, c'est annoncer justement cette détermination à dire, quoi qu'il en soit, je me mouille pour Jésus-Christ. Quand ça ira bien, je serai avec lui. Quand ça ira mal, je resterai avec lui. Et ça, c'est ce que fait David aussi. Il a dit, si Dieu me bénit, je suis avec lui. S'il décide, parce que j'ai péché et qu'il me discipline, je ne vais pas faire de la résistance contre sa volonté. David avait pu voir que Dieu n'agréait plus le roi Saül, et combien Saül avait lutté contre cette volonté de Dieu, combien il s'était braqué, combien il avait lutté pendant des années avec ses troupes en pourchassant celui qui était oint, celui qui était agréé par l'Éternel. Et Ittaï reste là comme un exemple merveilleux de ce que devrait être un chrétien. Je te suivrai là où tu iras, à la vie, à la mort. On se souvient que Pierre avait essayé d'être un Ittaï. Il avait dit, oh, les autres te laisseront tomber, mais moi je serai un Ittaï. Il n'avait pas dit le mot, mais c'est sans doute il connaissait l'histoire, il aurait pu faire référence à ce personnage, à la vie, à la mort. Mais lorsque le danger était venu, lorsque il se réchauffait au feu de ceux qui persécutaient Jésus, là il avait prétendu ne plus le connaître. Non, le Seigneur a besoin de personnes qui disent « Je te fais confiance, je t'appartiens, et quelles que soient les circonstances, je t'appartiendrai. » Et on sait qu'on dans notre vie, nous aurons des circonstances difficiles. Le Seigneur va peut-être... Nous allons peut-être être touchés par la maladie, par la mort, par la mort d'être cher. Si nous faisons de bonnes conditions la condition de notre allégeance, de notre engagement envers Dieu, alors l'ennemi va nous attaquer. Mais s'il sait que nous sommes à la vie et à la mort avec le Seigneur, alors là, nous sommes forts. Nous avons cette résolution dans nos cœurs. Et ça, bien sûr, on ne peut pas le faire par présomption. On peut simplement demander à Dieu de donner ce cœur, cette préparation à le suivre à la vie, à la mort. Et c'est ça vraiment être un ami. Jésus est un ami parce que lui, il l'a fait juste à la vie, à la mort. Il est allé jusqu'au bout en disant au Père que ta volonté soit faite. Est-ce que nous sommes prêts à dire à Dieu que ta volonté soit faite à la vie, à la mort, je t'appartiens? C'est le secret d'Itaï. Puissions-nous tous être des Itaï. Maintenant, vous connaissez Itaï. Vous pouvez parler à vos amis chrétiens. Est-ce que tu es un Itaï, toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Qui c'est ça? Et vous pouvez les ramener à ce passage et leur dire... Est-ce que vous êtes prêt à suivre Jésus, à suivre Dieu, à lui faire confiance, même quand les choses vont mal? C'est la vraie question. C'est le vrai test de votre fidélité, de votre appartenance à Dieu. Le roi continue, il monte. David, verset 30, il renvoie donc l'arche avec les grands prêtres. David, le grand prêtre, et Abiathar. David prend la montée, verset 30, prenait la montée des oliviers, il montait en pleurant et la tête couverte, il marchait nu-pied, et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, il montait en pleurant. On voit l'humilité, c'est pas des larmes de crocodile, comme on dit, c'est un vrai chagrin de voir ce que le péché de David représente pour Dieu, au point où il est nécessaire de le discipliner en chamboulant toute sa vie, en chamboulant le royaume. David prenait la montée des oliviers. On ne peut pas entendre ces mots sans penser au fils de David qui lui aussi allait monter la montée des oliviers le jour de la crucifixion, le jour à la fin de la vie de David, de Jésus, Jésus-Christ, le fils de David. Il montait en pleurant et la tête couverte. C'est encore une fois une belle préfiguration de Jésus qui dit dans le jardin de Gethsémané, que ta volonté soit faite. Puisse cela ne pas arriver, mais si c'est ta volonté, alors je boirai le calice jusqu'à la lie, comme on dit. On informe à David que son plus proche conseiller l'a trahi et qu'il est avec les conjurés. Ahithophel. David dit à prie, et il a cette prière que le Seigneur va exaucer. Encore une fois, il ne cherche pas à utiliser sa force physique. Il utilise la vraie force, la force de la prière. Il prie pour que les conseils d'Ahithophel, qui était un de ses conseillers favoris, soient complètement dénués de sens. Que ce conseiller sage agisse complètement comme s'il était fou. Le nom de ce conseiller Ahithophel, en fait, veut dire « frère de folie ». C'est curieux d'employer un conseiller. Je vous présente mon conseiller à l'Élysée est frère de folie. Mais c'était sans doute une préfiguration de ce qui allait lui arriver. Et il y a un autre personnage qui arrive et qui vient proposer ses services à David. C'est Hushaï l'Archien. Et là aussi, il lui dit, mais attends, si tu viens avec moi, il va falloir que je te nourrisse et j'ai plus de ressources. Pourquoi tu rentres pas chez Absalom, à Jérusalem? Et il lui explique lui qu'en fait, tu étais le serviteur du roi et tu veux rester le serviteur du roi. Et maintenant, le nouveau roi, c'est Absalom, donc tu es prêt à le servir. Et surtout, si tu fais ça, tu vas être un espion pour moi. Tu vas pouvoir utiliser les deux enfants des prêtres pour m'informer de ce qui se trame, de ce qui se prépare. Si tu peux agir avec sagesse, alors certains disent, mais c'est terrible ça, ce Hushaï va mentir. C'est contre la volonté de Dieu. C'est difficile, si on est envoyé comme espion, de ne pas mentir. Et Dieu appelle, par les circonstances, Hushaï à être un menteur professionnel. Il aurait eu du mal à dire, voilà, Absalom, en fait, je suis un espion, je viens pour te trahir. Il n'aurait pas été très efficace. Donc je vous laisse vous débattre de ce problème. Est-ce qu'un serviteur de Dieu a le droit ou pas de mentir ? Ça peut être un sujet intéressant. Et en général, si vous avez le moindre doute, si vous n'êtes pas sûr que c'est Dieu qui vous appelle à mentir, ne mentez pas. Amen. C'est une simple règle. Et là, c'est vraiment un cas particulier. On a vu ça dans l'histoire de Jéricho, où Rahab, elle aussi, avait menti à ceux qui cherchaient les espions. Et là encore, on peut se poser la question, il semble qu'il y a des fois où le Seigneur recourt à ce qui est normalement un péché, de ne pas dire la vérité. Verset 16, chapitre 16, on va commencer, on va peut-être pas le finir. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici qu'arriva au-devant lui Tsiba, serviteur de Méphibosheth, avec deux ânes battés. Les ânes battés, ça veut dire qu'on utilise l'expression en français pour dire un âne batté, c'est quelqu'un de stupide. En fait, le bât, c'était la charge qu'ils avaient. Donc, c'était deux ânes chargés de biens, de bonnes choses, de nourriture. Il arrivait avec le grand pique-nique. Il y avait 200 pains, 100 paquets de raisins secs, 100 de fruits d'été et même du vin. Le roi dit à Tsiba, que veux-tu faire de cela ? Et Tsiba lui répond que c'est en fait pour nourrir ses troupes qu'il vient et pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Le roi dit, où est le fils de ton seigneur ? Vous vous souvenez que Tsiba, c'était celui qui était devenu un ancien serviteur du roi Saül que David avait mis au service de Méphibosheth, ce fils du roi Saül qui était infirme, qui était aussi, on avait vu à l'époque, une représentation de chacun de nous, quelqu'un d'infirme qui est invité à la table du roi, qui est béni par le roi. En fait, ce serviteur Tsiba essaye de profiter de la situation de la fuite du roi David pour retrouver sa prééminence sur les biens sur lesquels il régnait, qui avaient été remis à Méphibosheth, descendant de Saül. Et il accuse, là il ment aussi, mais pour son intérêt propre, pas pour la gloire du Seigneur, il ment en disant qu'en fait Méphibosheth a trahi l'amitié du roi David et qu'il espère retrouver avec Absalom le trône. Aujourd'hui, verset 3, « Aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. » David ne prend pas le temps de vérifier si c'est vraiment la vérité. Il réagit, c'est vrai qu'il n'est pas en grande forme, son fils veut le tuer, l'a chassé de Jérusalem. Il se dit, encore quelqu'un qui me trahit, et par impulsion, il dit à Tsiba, tout ce qui était à Méphibosheth, ça va te revenir maintenant. Et on peut imaginer Tsiba qui faisait semblant d'être dans la détresse et d'amener un peu de réconfort au roi. Il a obtenu exactement ce qu'il voulait. Il a menti et il a été récompensé pour l'instant. Le roi David, verset 5, était arrivé jusqu'à Bahurim. Voici qu'il sortait de là un homme du clan de la maison de Saül nommé Shimei, fils de Guéra. Il sortit délibérément en prononçant des malédictions. Il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche de celui-ci. Shimei parlait ainsi en le maudissant. « Dehors, dehors, criminel, vaurien !» L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül à la place de laquelle tu règnes. Et l'Éternel a livré la royauté entre les mains de ton fils Absalom. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un criminel. Alors Abishai, fils de Tseruya, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi de mon Seigneur ? Laisse-moi donc passer et je lui couperai la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruya ? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. » Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi ? David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici que mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie, à plus forte raison ce Benjaminite. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il ma peine et me fera-t-il du bien en retour de sa malédiction d'aujourd'hui. David et ses hommes continuèrent leur chemin, et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David. Et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était arrivé avec lui arrivèrent exténués et ils purent souffler. L'épisode de Shimei, vous avez découvert ce matin deux personnages pas très connus, Ittai et Hushai, l'Archien. Maintenant, il est question de Shimei, un personnage un peu anecdotique, mais pourtant qui est attaché avec le roi David. Shimei, c'était donc quelqu'un de la tribu de Benjamin, qui était la tribu du roi Saül, et qui vient tenter le roi David en l'insultant comme c'est pas permis, normalement, qui lui jette même des cailloux, c'est pas ce qui manque dans le terrain qu'il traverse, sans doute sans menacer de physiquement l'intégrité de David, mais plus par colère et par imprécation. Il est en colère, il maudit, il dit des choses terribles à David, dehors, criminel, parce que le roi David quitte Israël, quitte Jérusalem plutôt. Et il a son interprétation des choses. Il dit qu'en fait, c'est parce que David a pris le trône de Saül que Dieu a livré la royauté à son fils, Absalom. Tu mérites, tu as ce que tu mérites parce que tu es un criminel. En fait, si David était vraiment un criminel, s'il avait une soif de sanguinaire, il laisserait, j'en suis sûr, Abishai aller donner un coup d'épée pour couper la tête de ce Shimei. Mais là aussi, on voit comment David réagit. Il dit, si ça se passe, c'est parce que Dieu le permet. Et c'est en fait, ces insultes, c'est le moindre de mes problèmes. Le vrai problème maintenant, c'est que j'ai mon propre fils qui me pourchasse, qui veut me tuer, qui veut prendre mon trône, que cet imbécile continue de me maudire, c'est pas bien grave. Et ça, c'est aussi parce que David pense que c'est peut-être la volonté de Dieu. Et il dit que laissez-le qu'il maudisse, car l'Éternel, c'est Dieu qui lui a suggéré, qui lui a donné cette envie de m'insulter de la sorte. Et Dieu n'est pas sans voir la peine que ça me fait. Et peut-être que si c'est sa volonté, peut-être qu'il me récompensera d'avoir enduré. Peut-être qu'il me fera du bien en retour de sa malédiction d'aujourd'hui. David, encore une fois, est prêt à recevoir ce que Dieu a pour lui. Il y a un auteur chrétien qui a une expression qui, quand je l'avais entendue pour la première fois, m'avait aidé, qui disait qu'en fait, tout ce qui nous arrive dans la vie, si nous appartenons au Père, a été filtré par ses doigts d'amour. Alors c'est peut-être difficile intellectuellement à admettre, mais dans votre cœur, vous savez que Dieu vous aime. Et en fait, tout ce qui nous arrive, que ce soit des bonnes choses ou des choses difficiles, il les permet. Et il les permet pas parce qu'il a été pris au dépourvu, qu'il est parti pour 2 semaines en vacances et que quand il rentre, ah zut, il y a des choses qui sont arrivées que je voulais pas. Il a laissé ces choses nous arriver parce qu'il les a permises. Et il les a permises à travers comme un filtre, à travers ses doigts d'amour. Je sais que parmi nous, il y en a qui ont des situations de crise, des situations difficiles. Est-ce que vous pouvez dire, je fais confiance à Dieu pour croire qu'il permet et qu'il va être avec moi dans ce qui va arriver par la suite? Ça, c'est la confiance d'un homme, d'une femme, selon le cœur de Dieu. David nous montre dans cette attitude, lui qui aurait, il suffisait de dire, go! Et c'était, il pouvait arrêter les critiques. David est prêt, nul doute qu'il a tout le temps en cheminant d'écouter ses critiques et de réfléchir sur ce que dit le critique. Est-ce que moi, lorsqu'on me critique, est-ce que je fais la sourde oreille? Je dis c'est une bande d'imbéciles, en parlant peut-être plus vulgairement, comme on l'a vu faire par le roi David de la France, il n'y a pas longtemps, au foire, à la foire, de, foire agricole à Paris. Où est-ce qu'on est prêt à avoir la part de vérité qu'il peut y avoir dans la critique ? La sagesse d'un responsable, c'est d'être prêt à écouter la critique qui souvent peut être outrancière et injuste, mais qui souvent part d'un point de vérité. C'est le cas de David. Ils arrivent enfin à destination et là, ils peuvent enfin souffler. Ils sont épuisés. Verset 14, on va s'arrêter là. Vous aussi, vous êtes épuisés, vous allez pouvoir souffler. C'est bon de savoir que dans l'épreuve, Dieu nous amène à des points où on peut enfin souffler. Savoir que après la nuit vient le matin. Après deux assemblées générales et un sermon, vient le dimanche après-midi. C'est important de savoir que on peut forcer avec le Seigneur parce qu'il est là et qu'il sait nos limites et qu'il va nous donner du repos et nous réconforter. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ces exemples de la vie du roi David et toutes les leçons que tu veux nous donner, Seigneur. On voit comment le roi David accepte ce qui lui arrive parce qu'il sait que tu l'aimes et tu le disciplines. Seigneur, aide-nous à être dans les mêmes dispositions d'esprit, à accepter ta volonté, quelle qu'elle soit, Seigneur, de nous dire que nous t'appartenons et que si tu nous bénis, tu nous bénis, si tu nous fais passer par des moments difficiles, nous te bénissons aussi, sachant que nous avons entièrement confiance dans ton amour, Seigneur. Tu nous l'as prouvé au-delà de tout doute possible, Seigneur. Tu es mort sur la croix. Comment pouvoir douter que tu ne nous aimes pas, Seigneur ? Si nous avons cette conviction, alors nous pouvons voir les événements de la vie comme des choses que tu as permises dans nos vies pour de bonnes raisons, pour nous reprendre, pour nous discipliner, pour nous préparer à encourager d'autres personnes qui seront à eux-mêmes dans les mêmes épreuves. Mais Seigneur, ne permet pas à l'ennemi de nous faire douter de ton amour, Seigneur. Puissions-nous être tous des Ittai. Nous sommes peut-être venus à toi pensant, comme des mercenaires, pensant que si nous étions, nous réclamions de toi, alors tu nous bénirais, Seigneur. Mais puissions-nous tous dire, nous t'appartenons à la vie, à la mort, et nous te faisons entièrement confiance. Seigneur, merci d'être digne de cette confiance. Nous te prions ces choses dans le nom de Jésus, notre Fils, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Dans le nom de Jésus. Amen.